3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks, on est déjà de retour dans le programme 100% actu de KNFTV à The Knicks Week. Cette semaine, encore toujours bien accompagné, Julien avec moi. Salut à toi Julien. Salut Joe, salut les gars, salut à tous. J'espère que ça va bien, on a passé une sacrée semaine, une très belle semaine avec les Knicks. On a eu beaucoup de choses qui se sont passées, sur le terrain et en dehors. Moi je propose qu'on en parle tout de suite, sans plus attendre. C'est parti ? On parle de ce qui s'est passé la semaine dernière ? Vas-y. Allez, c'est parti. On parle de ce qui s'est passé la semaine dernière dans la planète. Alors Julien, qu'est-ce qui s'est passé dans la planète Nyx la semaine dernière ? Si vous avez bien écouté l'épisode, j'espère que vous l'avez écouté. On avait parlé des matchs qui allaient venir. 3 matchs cette semaine, moi j'avais fait un petit pronostic, je m'étais un peu emballé, allez, soyons fous, en début d'année, et j'avais pronostiqué 3 victoires, et ben je crois que j'ai eu le nez plutôt fin, parce que finalement on a une semaine où on est invaincu côté New York, et ça fait plaisir à des gens. Alors moi j'avoue, je parie pas en ligne, je fais pas des jeux, machin, des paris sportifs, donc je me retrouve pas plus riche à la fin de la semaine, mais, on a le petit jeu des pronostics sur KNF avec le jeu qu'on anime sur la page Facebook et toute la communauté. Et je pense que cette semaine, les gens vont récupérer pas mal de points sur ce jeu. Alors j'en profite, une fois n'est pas coutume, pour commencer l'émission par des petites dédicaces, des petits big up. Alors je vais dédicacer mon poteau, mon teammate Stéphane Forel, qui est leader du classement pour l'instant, pourvu que ça dure. En numéro 2, Franck Morer de la team PL Connection avec Krypton. Ah, il nous régale ces deux-là avec toujours des pronostics un petit peu déroutants, déroutés, et toujours avec quelques petites punchlines plutôt sympas. Et puis, numéro 3, parce qu'on est dans le chiffre 3 cette semaine, Thomas Boileau avec sa team Les Fainéants, qui est plutôt bien placé quand même pour un fainéant au niveau du classement des pronos. Bon, on n'oublie pas non plus l'équipe Team Brioche Doré, ils se reconnaîtront, Jérémy, la paire de Jérémy. Enfin voilà, en tout cas, ça s'est plutôt bien passé sur les pronos, parce que ça s'est plutôt bien passé dans la planète Nyx sur les matchs de la semaine. N'est-ce pas Julien ? Je sais pas si toi tu fais du pronostic en ligne, des parions sport et autres, mais ça valait le coup en tout cas de miser sur les Nyx cette semaine. J'aime pas jouer d'argent, mais t'avais bien trouvé. Moi, j'étais sur un 2-1. J'étais sur un 2-1 et le 3-0. On verra si cette semaine, on a le nez aussi fin par rapport au pronostic, mais on va en parler. Autre gros morceau de l'actualité, on en a parlé, on a fait une vidéo exceptionnelle. On a un peu bousculé la grille des programmes habituels sur KNFTV. Il y a eu un trade, on s'y attendait pas. Le trade de Kevin Knox contre Cam Reddish avec les Atlanta Hawks. Alors c'est un trade un petit peu foufou parce que voilà, une contrepartie d'un joueur qui joue pas contre un joueur qui joue plutôt. Voilà. des tours de draft échangés, des tours de draft pas protégés, un Solomon Hill dont on ne sait pas ce qu'il en est, on ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il est coupé, pas coupé. Voilà, une petite alerte enlèvement a été envoyée pour savoir ce que devient Solomon Hill. Mais en tout cas, voilà, un nouveau joueur, un nouveau Knickerbocker arrive. Alors, il n'a pas encore joué, il ne va pas jouer tout de suite. Selon Tom Thibodeau, il est for a while, il va falloir attendre un petit peu. Il a a priori une petite blessure à la cheville, mais on l'a vu s'échauffer sur le parquet de la salle d'Atlanta. Donc, bon, le retour devrait quand même ne pas trop tarder. Donc voilà, ça c'était la grosse news, le gros événement sur la planète Nyx, le trade de Cam Reddish. On a une vidéo spéciale où on a débriefé à chaud nos réactions, donc on vous invite à la consulter sur la chaîne KNFTV bien sûr. Et puis les Nyx, ça inspire tout le monde, ça inspire aussi pas mal les illustrateurs de France et de Navarre, et surtout de Navarre, de très très loin. On a vu du Cam Reddish, forcément, sous tout un tas de couleurs, de maillots d'Enix, du maillot City, du maillot blanc, du maillot bleu, avec tout un tas de numéros. Mais alors, mes amis les designers, il va falloir un petit peu réviser, parce que c'est bien beau de nous proposer ces belles créations, on ne l'a pas encore vu en jeu, on le voit en image, mais il va peut-être falloir penser à mettre les bons numéros. Parce que bon, même si on ne savait pas quel numéro il allait prendre, les numéros retirés, ils sont retirés, on les reprend pas. En tout cas, du moins, Onyx, on ne les reprend pas. C'est pas ce qui se passe forcément dans d'autres franchises. Hashtag Detroit Pistons, hashtag Cade Cunningham. Mais bon, Onyx, on retire déjà pas beaucoup de maillots, alors c'est pas pour refiler les numéros au premier venu. Voilà, voilà, ça c'était la petite, le petit coup de gueule, entre guillemets. En tout cas, c'est sympa de nous régaler avec ces visuels. Mais bon, révisez un petit peu les gars, quoi. Et Julien, t'as suivi d'ailleurs ? Quel numéro il va porter notre Cameron Reddish ? Non, j'ai pas vu. Non, et ben c'est le numéro 21. Numéro 21 qui a été porté par Iman Shumpert, Wilson Chandler, si je dis pas de bêtises, et puis tout un tas d'autres joueurs. Hein. Donc voilà, voir s'il brille sous ce numéro-là. En tout cas, le 22, c'est pas possible. Retirer Dev de Bushir. Et puis, bah, on a dit au revoir. On a dit au revoir à quelqu'un. Alors, dans la communauté, il y a les pro-Kevin Dox et puis il y avait les anti-Kevin Dox. C'est pas forcément un joueur qui faisait dans la demi-mesure vis-à-vis de son appréciation. Bah, on lui a dit au revoir, il a relativement peu joué ces dernières saisons. Et c'est une remarque qu'a glissé Kevin Dox. Alors peut-être, non oui, Kevin Dox senior, parce que Kevin Dox, celui qu'on avait chez nous, le numéro 2, c'est le junior. Kevin Dox senior, qui comparait justement son fils à une Rolls-Royce sans trop de kilomètres. Alors effectivement, il n'y a pas beaucoup de kilomètres au compteur. Est-ce que c'est une Rolls-Royce? Je ne sais pas, chacun se fera son avis. On lui souhaite bonne chance du côté d'Atlanta. En tout cas, je pense on pas est quand même demander de défendre. On est quand même plus près de la Twingo que de la Rolls. Hein. Là, tu vas t'attirer les foudres de pas mal dans la communauté, dans les commentaires. Mais voilà, dites-nous en commentaire si vous pensez que c'est dommage, cette situation, si c'est du gâchis, est-ce que les Knicks ont gâché l'occasion. Juste pour faire un point, la Rolls étant tellement fantastique, il sort d'une DNP avec Atlanta. Hein. Ouais, c'est son premier match, peut-être que c'est du conditioning, on ne sait pas, on verra. En tout cas, on scrutera un petit peu de loin pour voir ce qu'il en est. Et puis, c'est pas tout, parce que c'est jamais tout. On aime les Photoshop, enfin on aime les Photoshop, on voit du Photoshop, on a eu du trade, et ben on a encore du Photoshop et on a encore du trade. On nous parle de Miles Turner, on nous parle de Jeremy Grant, et on nous parle de Caris LeVert, et encore qui ? Jalen Brunson. Donc ça c'est les derniers noms qui circulent, la trade deadline on vous rappelle, c'est jusqu'au 10 février. À vous de nous dire si vous pensez qu'il y aura encore des mouvements, est-ce que Léon Rose va encore nous faire un move sorti de nulle part pour pas cher ? À voir. En tout cas, c'est des noms qui revenaient déjà depuis un petit moment. Enfin voilà, toi, je sais pas, Julien, ce que tu en penses après l'arrivée de Cam Reddish. Est-ce que on pourrait voir d'autres moves ? On pourrait voir d'autres moves. Après, Cam Reddish, on n'en a pratiquement pas entendu parler, c'est celui qu'on a fait. Donc les noms qui sortent, je me dis, c'est pas forcément ce qu'on vise à chaque fois. Et puis moi, comme je l'ai dit, je pense que c'est sur le poste 1 qu'il faut essayer de trouver quelque chose. Donc... En dehors de Jalen Brunson, le fils de Rick Brunson, à voir. C'est un joueur très moyen quand même, mais bon, à voir. Et les autres, Turner, Grant notamment, le Vert, c'est des joueurs qui sont plutôt de bons joueurs, mais est-ce qu'on a besoin de ces joueurs à ce poste-là ? À voir. Pour l'instant, c'est encore flou, et puis voir aussi ce qu'on donne en contrepartie, ce qui est surtout, ce ne sont pas des joueurs gratuits. Non. Non, c'est pas des joueurs gratuits. Autant Cam Reddish, on l'a eu pour presque rien. À voir. Affaire à suivre. En tout cas, d'ici le 10 février, d'ici la trade deadline, nous, on sera à l'affût s'il y a quelque chose à se passer. Vous retrouverez une réaction sur KNFTV, c'est certain. Bon, ça, c'était dans les coulisses. Mais sur le parquet, on a eu quelques matchs. On a eu 3 victoires. Hein. On spoil direct, on balance le résultat. Mais vous savez, on est invaincu cette semaine. Alors, Julien, comment ça s'est passé sur les parquets ? Du Garden, mais pas que. Écoute, tu l'as dit, 3 victoires, il n'y a pas grand-chose à dire, donc merci, à la semaine prochaine. Donc voilà. Épisode. Salut. Non. Mais non, on peut pas. Surtout que c'était là, on savait qu'on aimait. Ça a été progressif, justement, cette semaine. Mais je vais faire pas comme d'habitude, où en général, un match, on détaille un peu plus. Là, je vais faire un ensemble, parce que les 3 matchs, même s'il y a eu des choses différentes, 3 victoires qui symbolisent aussi le retour de nos 2 joueurs majeurs. Et oui, je les ai mis aujourd'hui. Ah, je ne pouvais pas les dissocier. J'hésitais entre le jersey de Julius, le jersey de RG. Bah, finalement, j'ai sorti le t-shirt Slam, Restore the Feeling. Est-ce qu'on a retrouvé notre duo Batman et Robin? Alors, il n'y a pas eu vraiment de Batman et Robin. On a eu Batman Bis et Batman Bis, puisque on a eu un duo efficace cette semaine. C'est-à-dire qu'on a un RG qui a été là où on l'attend, dans le scoring, dans le punch, dans l'attaque du cercle. Pourtant, je suis un des premiers à l'avoir défoncé plusieurs fois. Oui. D'ailleurs, il y a un podcast qui est sorti récemment. Il si vous voulez retrouver RG titillé par Julien, c'est sur ce podcast. Il m'a certainement écouté, il a eu raison de m'écouter. Non, plus sérieusement, un RG qui est revenu à ses fondamentaux, enfin en tout cas aux choses qu'on a envie de voir, c'est-à-dire un RG qui n'est pas nonchalant. Qui attaque le panier. Qui attaque le panier. Qui est sûr de lui, qui va chercher les fautes quand il y a besoin et qui est le leader au niveau scoring. Et sur les trois matchs, c'est un peu ce qu'on a vu dès le début. Dès le début des rencontres. Du match, ouais. C'est la chose que j'ai début sur les trois matchs. Le premier carton, RG agressif. Et même il y a même un match où il est quasiment à 10 points ou plus de 10 points sur le carton. Ou en tout cas, il est là quand on a besoin de lui sur le scoring. Et pas sur du corner à 3 points. J'attends que la balle arrive. Quoi. Non, je vais au panier. Quitte à avoir la faute, je suis là. Et il a confiance. Je parle de cette confiance que j'ai même revue hier encore sur Atlanta, où tu vois, face à des gars qui sont plus forts que lui, plus gros que lui, il y va. Tu sens qu'il est là sur le premier, il y va, il attaque le cercle. Et ça il prend ses responsabilités, il a plus peur. Alors, on a toujours pas plus de meneurs dans ce starting five. On joue toujours avec Alec Burks en poste 1. Ou Quickley. Pour dépanner. Ou Quickley. Ou Quickley quand il est en sortie de banc. Mais en tout cas, c'est un 5 un petit peu inhabituel, même si on le connaît, nous, depuis quelques temps. Mais du coup, RG a beaucoup plus le ballon en main en ce moment et il n'hésite pas à en faire bon usage. Et ça lui fait ça, du bien. C'est plutôt intéressant. Et on en avait parlé dans un podcast où je faisais une tirade sur Kemba Walker, où j'expliquais que justement, Kemba a besoin beaucoup plus du ballon qu'un Derrick Rose en main, parce que Derrick Rose a fait évoluer son jeu et que du coup, avec cette balle en main, ça ne permet pas forcément à RG, à Julius et à Evan de briller. Là, aujourd'hui, Alec Burks, forcément, là, il n'est pas meneur, donc la balle circule plus. RG ou Julius d'ailleurs va monter plus souvent la balle. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un RG Barrett, on vient de le dire, qui va au scoring, qui va au panier, qui est clutch, qui est le leader offensif et qui obtient des fautes même en ce moment. Qui obtient des fautes. Quelque chose qui change en NBA, est-ce qu'on est en train de le respecter un peu plus? Alors on est en train de le respecter en plus, mais moi il n'y a pas que ça. J'ai l'impression. C'est que si tu prends la photographie, parce que c'est le body language, du début de match où tu as un RG Barrett qui attaque le panier timidement. Il est là, il est timide et tout. Et là, regarde bien. Sur les deux derniers matchs, c'est flagrant. Quand il attaque le panier, il est sûr de lui. Il va au mastic. Il obtient la faute parce que quand il attaque, tout le monde se dit « Boum !» De toute façon, s'il ne le met pas, c'est qu'il y a faute. Bon, on peut nuancer les propos. On peut dire aussi que les adversaires étaient faibles cette semaine. Oui, alors faibles. Oui et non. Parce que Atlanta reste une équipe qui était censée être dans le standing et qui, même si on a pris de Capela et Bogdanovic, est une équipe affaiblie. J'ai envie de dire que c'est une très grosse déception cette saison. Oui, c'est encore une plus grosse déception que nous, puisque eux cherchaient la finale de conférence. Et ils étaient en finale de conférence. Nous, on était amoindris aussi, parce que je le répète, l'absence de Derrick Rose, pour moi, est une absence majeure dans notre effectif. Ça pèse. Et à moindre mesure, quand même, Kemba Walker, qui, avant de se blesser, était quand même un joueur important. Et Dallas, même en l'absence de ton meilleur ami, la licorne Porzingis, reste une équipe quatrième à l'ouest ou cinquième, je ne sais plus avec les derniers matchs, mais équipe bien placé, qui tourne et qui sortait de plutôt de bons résultats. Un Doncic qui revenait et qui trouvait le rythme, là, face à nous. Tu as parlé de Doncic. Je ne suis pas le plus grand fan de Doncic, hein, même si je respecte le joueur, même si je dis qu'il est très fort. Il a été plutôt verrouillé par notre ami RG, en plus. Il a été très bien verrouillé. Alors, voilà. Il était plutôt bon des deux côtés du terrain, notre petit Canadien. Non, Doncic qui revenait. Ça a souligné, quoi. RG, ça s'est facilité dans la mesure où Doncic revient de blessure et physiquement est quand même un petit peu hors de forme. Ça se voit quand même à quelques kilos en trop et tout. Et quand tu es physiquement… C'est depuis le début de la saison, ça. Oui, mais en plus, quand tu reviens de blessure, tu n'as pas le rythme. RG, pour lui, c'est facile parce que quoi qu'on en dise, RG est quand même un mec assez physique et qui a quand même ce gabarit incroyable. Donc, facile pour lui de défendre. Maintenant, ça n'enlève rien à sa performance, et de l'autre côté du terrain, il a été très bon. Donc, pour RG, j'ai fait le truc. Mais je vous parlais aussi de Julius, parce que Julius, alors il y a eu le petit problème avec le public du Garden, on a senti ceci, cela, mais là, il fait du Julius. Il est dans ses standards. Il est complet. Et il le fait plutôt bien. Passe, rebond, alors, point, 3 points. Bien sûr, dès qu'il dribble plus de 2 fois, il y a du déchet. Quoi, il y a du déchet. On a encore vu, j'ai encore une action cette nuit où il s'enflamme, il se prend pour un meneur, on lui vole la balle. J'en ai une contre Dallas. Ça, il y en aura toujours. Mais il reste dans ses standards. On est quasiment. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il attire la défense. C'est une vis-à-vis de la défense. Surtout, il tourne pratiquement en triple-double. Et là, quand tu as RG qui met ses 30 points par match, quasiment, tu as Julius qui tourne en triple-double, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'équipe gagne. Pourquoi? Parce que derrière, les lieutenants, Evan, Burks, Quickley, eux, ils sont déchargés d'une responsabilité. Et ils peuvent briller. On peut en rajouter un. Et Mitch, qui n'est pas non plus toujours très satisfaisant. Mitchell Robinson nous fait une belle semaine. Il nous fait une belle semaine. Alors, pareil. Il faut le dire. On est souvent critique vis-à-vis de lui. Alors, il va faire du Mitchell Robinson. Il va pas nous faire des moves de haut panier. Il tombe sur 3 équipes qui sont un peu décimées à l'intérieur quand même. Qui ont quand même, notamment, le dernier match, c'était flagrant à Atlanta. Il n'y avait pas de répondant. Quoi. Il était tranquille. Oh, le petit Okongu, là. Ouais, mais c'est, quand même, mais c'est pas Capela. C'est pas Capela. Mais voilà, donc il n'y avait pas Porzingis en face. Dallas, vraiment à l'intérieur, c'était décimé. San Antonio manque de talent cruellement cette saison. Hein, c'est quand même très faible. Mais il faut les prendre, les matchs. C'était quand même 3 victoires. Il y a encore 2-3 semaines, on avait moins de certitude dans le jeu. Et puis ce que j'ai aimé. On a plus appuyé justement sur ce poste 5. Ce que j'ai aimé sur les 2 derniers matchs, plus que sur San Antonio, c'était vraiment le début de la semaine. On sentait que bon. Ce que j'ai aimé sur les 2 derniers matchs, c'est que la balle a quand même plutôt bien tourné. C'était flagrant fin de match contre Dallas et hier contre Atlanta. C'est-à-dire que déjà, l'équipe ne se met pas trop en difficulté, même s'il y a eu quelques passages à vide sur certains cartons. Atlanta en début 4e, on a quand même eu un petit peu de stress. Mais bon, voilà. Mais l'équipe tourne. C'est-à-dire que tu as une expérience. C'est Nix, hein. Vivre un blowout. On a quand même eu 2 blowouts cette semaine. On ne pouvait pas en avoir 3. Hein. Fallait un peu ménager le suspense. Ce qui se passe aussi, c'est que l'équipe fait bien tourner la balle. Là, on va parler un peu plus sérieusement. C'est que l'équipe fait bien tourner la balle. On a une extra passe. On n'est plus que dans l'iso systématique à outrance. On n'est pas genre je monte la balle. Ce qui est un peu le défaut avec Kemba, même s'il nous a fait des bons matchs et tout. C'est-à-dire je monte la balle à 3.1. Si je ne peux rien faire, je passe la balle et il y a un autre mec qui joue en iso. Non. On a eu des extra passes. Il y a un joueur dont on n'a pas parlé non plus. Un joueur qui était plutôt en réussite, Cocorico, notre Evan Fournier. Ça se passe plutôt bien en ce moment en plus. Il a l'air de retrouver ses repères, son utilité, de trouver son rôle finalement. Evan, je pense que les cartons face à Boston lui ont remis la tête aussi et la confiance un petit peu parce que ça fait. Il s'est dit, je suis capable. Je suis encore capable de mettre. Quand tu sors de match, quand tu sors de match où tu es en grosse difficulté et que tu mets un carton à 40 points, que c'est ton record et tout, l'air d'un, tu dis, oh. Je suis quand même là. Donc, il est présent et ça redonne de la confiance aussi à ses coéquipiers. Et mine de rien, et je ne veux pas tirer sur Kemba, mais quand tu retires quelqu'un comme Kemba qui prend quand même beaucoup de la balle, qui ralentit un peu le jeu, même s'il a fait du bien sur certains cartons, et autres, les autres, la balle circule un petit peu mieux. T'es dur avec Kemba, il n'est pas là en ce moment. Bon, effectivement, le jeu serait équilibré. Kemba n'est pas un mauvais joueur. Je dis juste qu'en ce moment, collectivement parlant, l'alchimie a l'air de se trouver. Voilà, je ne parle pas que Kemba est un mauvais joueur et son retour nous fera certainement du bien. Mais le problème est que, comme on l'a dit, il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin d'avoir la balle. Kemba la monopolise vachement et du coup, les autres joueurs ne peuvent pas monter en température. Et nous, on a des diesels, que ce soit RG, Evan ou Julius, ils ont un peu le même fonctionnement. C'est des joueurs qui, s'ils n'ont pas la gonfle dans les mains plusieurs fois dans le match, c'est pas bon. Ce ne sont pas des joueurs. Ils se mettent pas en rythme. C'est pas un gars qui pendant 20 minutes, tu vas pas le voir, et puis il peut prendre feu en 5 minutes. C'est vraiment les 3 types de joueurs qui ont besoin d'avoir la balle pour pouvoir après en fin de match être chaud. S'ils sont pas en rythme dans le match, ça va être très compliqué. Beaucoup de joueurs NBA sont comme ça, mais là on a vraiment 3 de nos leaders qui sont comme ça. Avec Kemba, ça facilite pas. Donc cette semaine. On est content d'avoir eu Julius, on est content d'avoir eu RJ, on est content d'avoir eu Evan, on est content d'avoir vu du Mitch. Alors, on reste mesuré quand même. Et est-ce que après cette belle semaine, si on regarde les stats et tout, il y a des choses un peu ronflantes, est-ce qu'on pourrait pas avoir un joueur de la semaine dans le lot? Est-ce que RJ Barrett, avec ses 3 victoires et du bon scoring, on approche des 30 points de moyenne sur ces 3 matchs, est-ce que c'est pas lui qui va être élu joueur de la semaine dans la conférence Est? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Je peux pas te le dire parce que j'ai pas assez vu les autres équipes pour l'être franc. Je pense qu'il y a matière. Après, il n'a jamais eu ce type d'honneur. Il a certainement réalisé l'une de ses meilleures semaines sous le maillot des Knicks. C'est important. Régularité, C'est ce qui manquait jusqu'à présent. Alors, et de la victoire. Moi, ce que j'ai peur avec Julius, demande de plus. C'est qu'on l'a déjà vu la saison passée. Julius est capable de nous faire 3 semaines pourries, entre guillemets, et un mois extraordinaire, et après redescendre. Donc là. Dit Julius, c'est un lapsus. C'est un lapsus révélateur parce que RG, non, je parle d'RG. RG, mais cette saison, Julius, c'est un petit peu dans le même cas. Là, j'espère que ce n'est pas en faux semblant. On va parler de la semaine prochaine qui arrive avec les prévisions. J'espère que ça va être confirmation. Dans l'attitude, Julius a l'air d'être vraiment bien en ce moment. Dans l'attitude mentale, physique, avec ses collègues. On l'a vu. On l'a vu sur le match à Atlanta. Il a fait une nouvelle tresse. Il s'était changé de coiffure. Et puis, il a été plus ou moins chambré par le public de Atlanta. Et il nous a refait le coup du pouce en bas. Je parle de Julius, là. Pouce en bas. Julius. C'est Julius. Je parle de Julius. Julius est mieux. On le sent mieux. On le sent plus. Et RG, pareil. Il a refait le coup pareil. Du pouce à destination du public après, des Hawks. Après, quand tu gagnes, ça aide. Et comme je le dis, le système en ce moment fait que les deux ont la balle plus facilement, plus souvent et qu'ils se sentent mieux. Et ce n'est pas pour tirer sur Kemba, mais il faut que ça dure. Kemba va revenir et il va falloir trouver une solution. Parce que même si Burks aide, Burks n'est pas un meneur. Et pour l'instant, les équipes qu'on a rencontrées cette semaine, on a quand même une équipe d'Atlanta très décevante, une équipe de San Antonio qui manque cruellement de talent et une équipe de Dallas qui était avec des joueurs blessés et son meilleur joueur en retour de blessure aussi. Donc, c'est à minimiser les victoires, même s'il faut les prendre et être heureux. Il faut les prendre. Et ça a permis de rééquilibrer le bilan. C'était jamais dans le positif. C'était jamais facile. Sachant que ça va être dur de rattraper les autres, mais on est dans le bon wagon, en tout cas pour le play-in. Maintenant, Burks, c'est quand même aléatoire. C'est quand même une solution à court terme. Kemba, je ne sais pas quand est-ce qu'il est censé revenir, puisque c'est quand même très bizarre. On n'a pas d'informations. C'est... Alors que Derrick Rose, on a une date à peu près fin février, début mars, c'est ce qui est estimé. Si ça se passe bien, on nous annonce 20 février. Si ça se passe mal, on nous annonce 2-3 mars. On verra après le break du All-Star. Exactement. Effectivement, il n'y a pas pour l'instant d'informations sur Kemba Walker. Très limite, ça donne du temps. Ça donne du temps à Tom Thibodeau. Et puisque les résultats sont là, autant pas se précipiter. Autant pas se précipiter, mais le problème, c'est qu'à New York, tout va vite. C'est que j'espère qu'il a anticipé un coup, parce que comme je te dis, Burks ne pourra pas rester tout en meneur. Et je ferai un petit point aussi positif sur quand même notre ami Grimes, que je trouve quand même très intéressant comme rookie. Je dirais pas... Un 3 and D, la défense, exactement. Du 3 je dirais points. Que c'est... Je ne compare pas à Quickley au niveau du jeu, mais à Quickley au niveau du coup. Non. C'est-à-dire qu'on a un joueur qu'on n'attendait pas cette saison, dont on n'attendait rien, et qui se montre très intéressant pour l'équipe. J'ai beaucoup aimé sa séquence défensive sur Trae Young. J'ai beaucoup aimé. Déjà, et sa séquence offensive, parce que derrière, il a quand même mis des pions importants, des choses très bien, peu de déchets. Donc Quentin Grimes est une bonne recrue, et était un bon coup, en tout cas au niveau de la draft, et ça fait plaisir quand même, parce qu'on peut dire que New York n'est pas réputé pour la draft. Qui dit ça? Mitch Robinson, c'est pas si mal à la base, même si on est dur avec lui. Quickley, ça reste un pas si mal. Grimes, c'est un bon coup aussi. Topin, c'est force, c'est pas alors. Topin, ça a été pris haut, c'est pas un franchise, mais on n'attendait pas de lui un franchise. Et même s'il a été en difficulté cette semaine, cette année, il y a eu des séquences où c'était mieux. Bon, voilà, il est un peu dans le dur en ce moment. Donc, Julien, on la kiffe cette équipe. On la kiffe. On pourrait en parler pendant des heures. Ça dépend. Et on est des bavards ici. Mais il va falloir qu'on se penche sur le programme de la semaine. Parce que ces 3 victoires, elles sont prises, elles sont dans le bilan. Mais il y en a d'autres à aller chercher. On regarde ce qui nous attend ? Vas-y. Allez, c'est parti. On parle du programme de la semaine à venir. Alors, 3 victoires, c'est bien. Un bilan équilibré, c'est bien. Une 10e place, c'est peut mieux faire. Hein. On a rééquilibré le rapport victoire-défaite à domicile au Garden. Et ça, c'est pas plus mal. Surtout que là, il y a 4 matchs qui arrivent, dont 4 à domicile. Alors bon, j'espère que le public aura un peu laissé passer, aura un peu passé l'éponge vis-à-vis de Julius. Et que sur cette dynamique, on va engranger un maximum de victoires. Alors, qu'est-ce qui nous arrive au programme, Julien ? Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il arrive au Garden cette semaine ? Je vais vous raconter. Il y a Charlotte, Minnesota. Minnesota qui arrive, les Timberwolves aussi juste derrière. New Orleans, Pelicans, RG. Coucou Zion, coucou Zion. RG, bah, Zion, je suis pas sûr qu'il. Enfin, en tout cas, il sera peut-être là. Il aura peut-être tapé la bise aux copains quand même. Voilà, et on terminera par les Clippers. Donc, on a quand même 4 équipes avec des styles différents, 4 équipes avec des réussites différentes. On va commencer par Charlotte. Ça va être pour moi l'un des matchs les plus difficiles de la semaine. Charlotte, c'est la bonne surprise cette saison, en tout cas pour les Hornets, hein, pas pour nous, mais voilà. Ça alors, c'est un match. C'est un match qui va se jouer à des heures plutôt appréciables et agréables, puisqu'on va avoir cette semaine, on l'a pas dit, mais deux matchs en prime time français. Ce match contre les Hornets, c'est à 19h. C'est le MLK. Beansport, oui. C'est le MLK Day, I Have a Dream, Martin Luther King, la soirée spéciale. Alors, je sais plus si on ouvre le bal du MLK Day, je sais pas s'il y a un match avant. Je crois qu'il y a une équipe à 18h. En tout cas, on joue relativement tôt. On est dans les premières équipes. On est là dans la première, voire la première équipe. Alors, c'est pas mal pour lancer la soirée. C'est pas forcément un gage de réussite pour les Knicks de jouer trop tôt, on l'a vu. C'est pas rappelle-toi à Noël. À Noël, ouais, mais bon, les Hawks, alors ok, les Hawks, c'est nul cette année. Ok, je te le concède. Rappelle-toi au Ball Rock. Les Hornets, c'est un peu mieux. Rappelle-toi au Ball Rock. À voir. À voir. Non. Charlotte, c'est une bonne équipe. Ça va être un match très difficile quand même. La Melo tourne bien. Gordon Hayward est aussi là. Miles Bridges, non. Charlotte va être un gros test et un bon test. Parce qu'en même temps, Charlotte, prétendant en play-off, est très bien placée pour l'instant dans la course au play-off. Au moins d'une deuxième partie de saison où ils s'écroulent, ils vont certainement les faire. Nous, on a besoin de cette victoire face à un contender à l'Est, en tout cas pour les play-offs. Prendre serait un bon signal pour l'équipe, oui, pour la conférence et pour le classement. Alors, j'ai envie de te dire victoire parce qu'on sort de trois matchs positifs. On a envie de continuer cette série. Ouais. Bon, je pense qu'on a les armes pour répondre à Charlotte, notamment à l'intérieur. Je pense qu'on a les armes. RG, Julius, s'ils continuent d'être sur leur lancée, et Gavin aussi, mais dans ce soir-là, on est totalement capable de battre Charlotte. Mais ça va être un match compliqué. Juste derrière, on va jouer Minnesota. Alors, c'est en back-to-back. C'est le deuxième match d'affilée. Oui, monsieur. Et puis un Minnesota, des Wolves qui vont revenir un petit peu plus au complet. On les a déjà rencontrés une fois dans la saison. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en protocole. C'était un Minnesota vraiment bis. Oui, rappelez-vous, on a même joué Greg Monroe. Là, ouais, ça ne va plus être Greg Monroe, ça va plutôt être du Karl Anthony Towns. Donc, ce n'est pas la même histoire. Ça va être un match compliqué aussi. Tony Edwards, qui avait eu une petite histoire, des petites frictions, entre guillemets, avec RJ Barrett en disant qu'il n'était pas clutch. Bon, RJ nous a montré qu'il pouvait être clutch. Donc à voir, là, on est sur un match. On va être motivé. D'Angelo Russell aussi, quoi. On va être motivé. Il y a notre ami Thibodeau qui va vouloir la gagne. RJ, après cette histoire, là, toi-même, les joueurs NBA n'oublient pas ce genre de détails. Mais je vois quand même un match. Allez, moi, je vois une victoire Minnesota plus facile, plus que contre Charlotte, j'ai envie de te dire, même si c'est un back-to-back. Je sais pas pourquoi je sors contre Minnesota, on a toujours ce petit côté revanchard, même s'il n'y a pas vraiment des, mais avec le coaching staff, avec ce qui se passe, enfin voilà, Minnesota, j'ai envie d'y croire. Ça va être un match difficile, mais j'ai envie d'y croire. Juste derrière, deux jours après, on a les Pelicans qui viennent. Là, c'est victoire obligatoire. Les Pels cette année, c'est... Même voilà. S'il y a un Brandon Ingram qui joue plutôt pas trop mal en ce moment. Brandon Ingram, autrement, c'est relativement revenir, mais c'est faible au tout. Il y a Devonte Graham qui est capable aussi de prendre feu à n'importe quel moment. On l'avait vu au match aller alors qu'on était sur une voie tranquille. On s'est fait peur en quatrième quart-temps parce que Graham avait pris chaud. Donc voilà. Mais sur le papier, si on est une équipe solide, et après ce qu'on a vu sur les derniers matchs, si tu veux. Et à la maison, il faut le gagner. Il faut le gagner. Alors, on a repris de la confiance. On a envie de se dire, ça y est, ça va être plus facile pour nous maintenant. Mais attention quand même, attention. C'est souvent là pas faire un excès de confiance se faire piéger. C'est souvent là qu'on est déçu. On termine et pour finir, donc, le dimanche soir contre les Clippers. Voilà. Un duel franco-français. Nicolas Batum d'un côté, Van Fournier de l'autre. Ça va être sympa au niveau de l'affiche. Mais les Clippers qui sont aussi pas mal diminués, du Paul George qui est touché, du Kawhi Leonard qui est touché. Ça reste une équipe qui joue pas si mal que ça tout de même. Donc attention. Un match tôt, 19h. Moi, je pense que si tu viens de faire 3 victoires, tu perds les Clippers. Si entre-temps, tu as perdu contre Charlotte... C'est le match de trop dans la semaine pour toi. Si entre-temps, Charlotte ou Minnesota, tu as perdu, peut-être que tu gagnes les Clippers. Parce que là, tu as envie de bien finir. C'est-à-dire que si on récapitule. Moi, je vois un 3-1. Si on récapitule, ton pronostic pour la semaine, ça serait 3-1. 3-1. J'ai dit 3-0 la semaine dernière. J'ai eu raison. Est-ce que je vais vous donner le pronostic gagnant cette semaine? Allez, moi je vais partir aussi sur un 3-1. Désolé, il y aura un faux pas. Et ce faux pas, moi je le sens plus contre les Timberwolves. On verra si j'ai raison, si j'ai tort. On verra tout ça lundi prochain, parce qu'on pourra débriefer la. Ouais, potentiellement, la les Royals. Mais là, sont potentiellement... je pense que ça va être dur d'enchaîner les 4 victoires. Après, si on fait 4 victoires, Royal, on remonte. Potentiellement, et on les Hornets et les Timberwolves sont les deux matchs les plus difficiles de la semaine. Après, les Clippers, c'est la décompression. Mais bon, on verra. Parce que c'est vrai que le match des Hornets peut nous demander beaucoup d'énergie. Et le lendemain, c'est jeune, ça court. Ouais, à voir, à voir. Après, est-ce que l'adresse sera rendez-vous? Alors, c'est pareil. Est-ce qu'on aura les premiers pas de Cam Reddish? À voir. On n'a aucune certitude sur son retour. Tom Thibodeau a dit également qu'il allait devoir mériter ses minutes de jeu. On ne sait pas trop à quoi s'attendre vis-à-vis de la rotation par rapport à ce nouveau joueur. Ça va être une semaine intéressante. A priori, il va commencer. A priori, il ne sera pas titulaire, surtout que l'équipe tourne bien en ce moment. Je vois pas de dinguerie de la part de notre ami Thibodeau, parce que envoyer ce signal à Evan ou à RG, bon RG non, mais Evan, qui est clairement le seul joueur menacé, ça serait quand même un très mauvais signal. Donc je pense qu'il commencerait quand même sur la seconde unité. C'est bien aussi pour prendre les marques dans l'équipe et tout. Après, voir ce qu'il en fait. On ne dit pas qu'il va finir la saison comme ça. On est impatient, on est curieux. Et alors Julien, sinon, cette semaine, elle est bien riche, bien chargée en matchs. Mais on a du contenu qui arrive encore une fois sur KNF TV. Vous en avez eu déjà beaucoup, vous en aurez encore. Cette semaine, qu'est-ce qui arrive? L'épisode numéro 2. L'épisode numéro 2 de quoi? De New York Kicks. Alors, si vous ne vous rappelez pas du premier épisode, il est toujours disponible sur la chaîne, allez le voir. C'est la rétrospective, non pas d'un joueur, mais de ses pieds, de ses pompes, de ses shoes, de ses sneakers, de ses kicks. C'était la spéciale Patrick Ewing. On ne vous dit pas sur quel thème va être le numéro 2, mais en tout cas, l'épisode numéro 2 arrive jeudi sur KNF TV. Voilà, ça fait plaisir et on est content de vous le présenter. Vous nous direz si c'est un contenu qui vous plaît, si vous en voulez d'autres. Mais nous, ça nous fait plaisir de parler des fois un petit peu godasse, un petit peu fashion. Voilà, bah, en tout cas, ça fait une sacrée semaine qui s'annonce sur la planète Knicks. Beaucoup de matchs, des matchs à des heures plutôt intéressantes, donc ça va permettre de dormir un petit peu, ça ne veut pas faire de mal, j'avoue. Et puis du contenu sur les réseaux sociaux, sur les réseaux de la KNF, sur KNF TV. De quoi passer une bonne semaine, j'ai envie de dire. Très bonne semaine. Ah oui. Très bonne semaine. Sur ce, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. N'hésitez pas à nous mettre un pouce, activer la cloche, vous abonner, mettre des commentaires pour nous dire si vous appréciez ce genre d'émission. Et puis nous, on vous donne rendez-vous au même endroit, au même moment, à la même heure, à savoir lundi prochain. Alors effectivement, cet épisode-ci, il est sorti un petit peu plus tôt parce que MLK Day, donc c'est pas l'heure habituelle du lundi, mais on retrouve nos habitudes lorsque les matchs le permettent, tout simplement. Messieurs, mesdames, Julien, les Knicks fans, bonne semaine à vous, et let's go Knicks. Allez, ciao, ciao, bye.